Chapitre 10e. Plusieurs années se sont passées. Colomb, par deux fois, est revenu en Espagne et retourne aux Antilles. Chaque fois, son retour à la cour d'Isabelle a été salué avec moins d'enthousiasme. Le roi et la reine lui reprochent les millions submergés plus qu'il ne le remercie des richesses et des provinces acquises. Il a pourtant encore obtenu 3 caboteurs, avec lesquels il a pu ajouter au résultat de ses premières explorations des découvertes nouvelles. Il a touché au Venezuela, à la Trinité, à la Martinique, à la Guadeloupe. Puis il a voulu revoir encore, pour la dernière fois sans doute, cette merveilleuse île espagnole, où il a eu ses plus belles joies, où ont commencé ses déboires. Il aborde. Mais qui donc monte ces navires qui ont abordé avant les siens? Il descend à terre. Un homme vient au-devant de lui, un gentilhomme au regard insolent, qui lui parle, le chapeau sur la tête. « C'est vous, Christophe Colomb ?» demande cet homme. « C'est moi, » répond l'amiral avec un noble orgueil. « Et vous-même, qui êtes-vous »« Je suis François de Bobadilla, commandeur de Calatrava, intendant de justice et gouverneur général de cette île. » L'amiral a tressailli. « Je m'en croyais le vice-roi, » dit-il, « et le seul maître de la volonté du roi Ferdinand et de la reine Isabelle. » Bobadilla ne répond pas. Il lui tend un parchemin scellé du sceau royal. Ce parchemin ne portait que ses 4 lignes. Don Christophe Colomb, notre amiral dans l'océan, nous avons ordonné au commandeur Don François Bobadilla de vous expliquer nos intentions. Nous vous ordonnons d'y ajouter foi et d'exécuter ce qu'il vous dira de notre part. Moi, le roi, moi, la reine. Christophe Colomb eut un triste sourire. Il songeait qu'à son premier retour en Espagne, le même roi et la même reine, après des honneurs inouïs, lui avaient octroyé des armoiries avec cette devise « À Castille et à Léon ». Colomb donne un nouveau monde. Il comprit que l'heure était venue d'expier sa gloire. L'autorité de son regard était telle encore, tel le prestige de son nom, qu'il eût pu refuser d'obéir et charger son équipage de le défendre. Il ne voulut pas mériter les reproches qu'on lui faisait. Il apaisa du geste ses amis et ses frères, et sans un mot contre les envieux qu'il avait desservis, contre les ingrats qu'il abandonnait, il suivit Bobadilla. Le lendemain, une caravelle, commandée par Alphonse de Villero, et pleine d'or jusqu'aux écoutilles, ramenait en Europe Christophe Colomb, accusé de trahison, enchaîné. Le capitaine, honteux, avait voulu lui ôter ses fers, Colomb refusa. Il lui plaisait de traverser ainsi ses mers par lui découvertes. Il lui plaisait d'arriver chargé de chaînes dans ce royaume d'Espagne qu'il avait enrichi. Du haut d'un rocher, le vieux Ganagari avait vu Bobadilla arrêter le grand chef des visages pâles. Il avait vu partir le vaisseau regorgeant d'or. Longtemps, il le regarda s'éloigner. Pour la première fois depuis la mort de sa fille, le vieux prêtre riait. Bien des heures, il resta ainsi, immobile. Le soir qui venait le surprit dans cette attitude. Un frisson l'avertit de l'approche de la nuit. Alors il se leva, secouant ses longs cheveux blancs. Il considéra tour à tour les flots, le village et la montagne, et prenant l'île à témoin, il s'écria d'une voix stridente. « Le voilà qui s'en va du côté du soleil, le vaisseau des envahisseurs. Il s'en va, emmenant sa charge d'or, lourde à crever ses flancs. Bercez-le avec respect, ô vagues amies, gonflez doucement ses voiles, brises embaumées, guidez-le bien, étoiles complices. » Qu'il arrive sans encombre au pays de ses hommes et qu'il leur porte sa cargaison tout entière. Ô pauvre Siouni, qui dort là-bas dans la forêt, ô mon fils, toi qui reposes à mes pieds dans le sable, ô vaillant Anacoua, dont la mer est le tombeau, que n'êtes-vous ici pour rire avec moi? Tu m'excuserais enfin, ô mon fils, tu me comprendrais enfin, belle guerrière, et vous feriez mieux que de me pardonner, vous me béniriez. Oui, j'ai menti à mon serment. Oui, j'ai enseigné à ces étrangers maudits le chemin des mines. Je le leur ai enseigné par deux fois. Je leur ai mis au cœur ce mal de l'or. Et maintenant, j'en suis sûr, depuis tant et tant de jours que je les épie, ce mal les tient. Il ne les quittera pas. Mieux que nous n'aurions pu nous défendre nous-mêmes, le pâle métal nous a défendus. Nos guerriers ont pu les surprendre pendant qu'ils s'acharnaient à sa recherche. C'est l'or qui les a enhardis à braver les tempêtes, c'est l'or qui les a armés les uns contre les autres et les a poussés à se massacrer sous nos yeux. C'est l'or qui a fait oublier à leurs soldats la bravoure, à leurs prêtres la douceur. C'est l'or qui, dans leur rang, a désappris aux hommes l'amitié. C'est l'or qui les excite aujourd'hui contre leur chef. L'or les a tous changés en bêtes fauves, et voilà ce que j'espérais. Il nous a apporté un poison, la liqueur ambrée qui rend fou. Ils en emportent une autre, dont l'ivresse est pire. L'or qui nous a vengés au-delà de toute espérance, qui nous vengera encore indéfiniment. L'or qui corrompra leurs juges et leurs femmes et leur jeunesse. L'or pour lequel ils vendront leur bonheur et leur patrie. L'or qu'ils tacheront de leur sang et qu'ils adoreront comme un dieu. J'atteins le but de mes secrets efforts, et ne regrette pas de l'avoir acheté de tant de mépris. Je te remercie, Tamou, inspirateur des pensées humaines. Fais maintenant signe à mon âme, si tu veux. Je puis mourir à cette heure. Mais si les vœux de ton prêtre sont entendus de toi, accorde à leur vaisseau un voyage heureux. Ô Tamou, encourage les visages pâles à venir boire sans relâche à cette source mortelle. Avance le jour où s'éteindra leur race, où se réveillera la nôtre. Pendant que cette prière farouche s'élève dans la nuit pleine d'astres, le vaisseau des Espagnols s'éloigne et sa croupe lourde d'or fend les vagues transparentes. Sur le pont, le vieil amiral songe, appuyé au bastingage. Tout bas, il demande pardon à Dieu des fureurs qu'il a déchaînées. Il s'excuse de son génie, se reprochant comme un crime d'avoir franchi les barrières où s'arrêtaient les navigateurs, d'avoir ouvert à l'ancien monde le chemin de cet Eldorado. Dans la salle où l'équipage prend ses repas, on boit et on joue, et les mauvais conseils des cartes aggravent les mauvais conseils du vin. Des blasphèmes emplissent le navire. Les poignards jaillissent des fourreaux. Des chocs font retentir le plancher et parfois, à travers les ténèbres, un paquet sinistre glisse par-dessus bord et plonge sous les flots monstrueux. Cependant, les matelots de quart et le guetteur de la hune frissonnent, assaillis de remords. La solitude leur pèse. Ils redoutent l'approche du soir, car le soleil s'est à peine couché que des voix gémissantes traversent l'étendue. À travers les nuages couleur d'or et couleur de sang, des fantômes se dressent, les bras levés, accusant les conquistadors, et le navire fuit au milieu des malédictions. Ainsi s'achève Les Conquistadors par Émile Moreau.